rien de cela un bail. J'avais revendu ma guette que pour celle-là. Elle avait pris ma place pour ma copine, c'est vrai. Et depuis qu'elle est là, la vie a résolu le problème. Elle est belle, elle est blanche et elle est toute fine. Elle prend les gros dix mais elle lit toujours pas les films. Elle est plus fragile mais avec ses wifi gratuits. Et en plus elle y met vieux jeux GameCube. Et voilà, il lui manque je ne sais quoi. C'est vrai quoi, j'ai pas le fil d'autre quoi. C'est Pocket, je me sens bien vide depuis ça. Elle était toute carrée, elle était toute violette. À la télé, j'aimais bien ses pubs. Pour dire ce qui est, elle me manque ma GameCube. J'ai un Game Boy Player qui ne sert plus à rien. J'aimais bien jouer à Crazy Taxi le matin. Tant que j'y suis, y'a aussi la console virtuelle. Mais comme je dis, c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, il lui manque je ne sais quoi. C'est vrai quoi, j'ai pas le fil d'autrefois. C'est Pocket, je me sens bien vite depuis ça. Elle était toute carrée, elle était toute grise. Elle était en folle de la Next Street Fighter. Faut dire ce qui est, elle me manque ma Super NES. Les anciennes Nintendo rendent nostalgique. L'émulation rend pas le côté magique. Ça ne rajeunit pas toutes ces conneries. Dans 10 ans peut-être que la Wii me laissera penser. Mais voilà, il lui manque je ne sais quoi. C'est vrai quoi, j'ai pas le fil d'autrefois. C'est Pocket, je me sens bien vite depuis ça. Elle était toute noire, elle était bien lourde. Des manettes bizarres, des branchements pour 4. Faut dire ce qui est, elle me manque ma N64. Elle me manque ma GameCube. Elle me manque ma Game Boy. Elle me manque ma première NES. Elle me manque ma Super NES. Elle me manque ma N64. Elle me manque ma GPA.